Trop fragile, trop belle pour rester seule. Tu ne vis ta vie qu'à moitié. Trop fragile, trop belle pour rester seule. Je ne conçois pas la vie sans toi. Trop fragile, trop belle. Laisse-moi prendre possession du destin de tes jours. Tu es celle qui pour moi symbolise l'amour. Timide, craintive, tu parais. Mais moi je sais que tu es ardente, troublante. Je veux t'aimer. Trop fragile, trop belle pour rester seule. Tu ne vis ta vie qu'à moitié. Trop fragile, trop belle pour rester seule. Je ne conçois pas la vie sans toi. Trop fragile, trop belle pour rester seule. Je veux te voir vivre, sourire, épanouie, comblée, enfin heureuse. Je viens tout offrir. L'existence, je l'avoue, fut pour moi bien cruelle. J'entrevois grâce à toi un bonheur irréel. Brisé sans but, je vivais. Et puis voilà que j'essaie d'atteindre, de vaincre. Je veux t'aimer. Trop fragile, trop belle pour rester seule. Tu ne vis ta vie qu'à moitié. Trop fragile, trop belle pour rester seule. Trop belle pour rester seule. Je ne conçois pas la vie sans toi. Trop fragile, trop belle.